إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous poursuivons l'étude du chapitre de l'ascétisme et la retenue de Bulugh al-Maram. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lors du premier cours, nous avons vu qu'est-ce que l'ascétisme et la retenue. Puis nous avons vu le premier hadith que l'auteur a mentionné, rahimahullah. Et nous allons dès maintenant passer au deuxième hadith. L'auteur nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: malheur à l'esclave du dinar et du dirham et du velours. Si on lui en accorde, il est satisfait, et si on ne lui en accorde pas, il est mécontent. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une caractéristique de celui qui est très attaché à cette vie d'ici-bas. Et ce genre de hadith sont très importants, car de nos jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le musulman doit prendre garde à tout ce qui peut le détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son agrément, sans pour autant délaisser entièrement cette vie d'ici-bas, car ce n'est pas la voie du juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Qasas: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de donner en aumône tous nos biens pour qu'on reste sans ressources et qu'on ait à compter sur les gens. Mais plutôt il faut dépenser pour l'au-delà, et il n'y a pas de mal à se faire plaisir tant que cela ne met pas en danger la religion et l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au début de ce hadith Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et du velours. C'est-à-dire, malheur à celui qui est préoccupé uniquement par cette vie et qui est totalement attaché à celle-ci. Car celui qui s'attache totalement à une chose est semblable au serviteur de celle-ci. Surtout lorsqu'on sait que le musulman doit être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'au-delà, car cette vie n'est que vaine parure. Allah subhanahu wa ta'ala dit: I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les mécréants, se fane. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris. Et dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. Tellement l'attachement entre cet homme et la vie d'ici-bas est fort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme l'esclave de cette vie. Malgré que cette vie est vaine, certains s'y attachent à tout prix. Pourtant, en général, tout le monde sait cela. Car dans les affaires mondaines, les gens ont plus tendance à s'attacher à ce qui dure et ne périt pas. Prenons l'exemple des commerçants. En général, la plupart d'entre eux vont préférer investir dans des marchandises non périssables, car ceci est plus sûr que d'investir dans des denrées qui vont périr rapidement. Également, elles vont préférer investir dans des commerces fructueux qui rapportent beaucoup et vont éviter d'investir là où il y a peu de bénéfices. Toute personne ayant du bon sens va agir de la sorte. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'agissent pas de la sorte. Quand il est question de l'au-delà, on va souvent plus donner d'importance à cette vie, alors que nous n'allons pas y rester éternellement. On va souvent préférer prendre de gros risques, quitte à mettre en danger notre au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith: si on lui en accorde, il est satisfait. Et si on ne lui en accorde pas, il est mécontent. Ceci est une caractéristique de celui qui a un attachement fort pour ce bas monde. Si on lui en accorde, il sera satisfait et apaisé. Et si on ne lui en accorde pas, alors il se contrarie. Et parfois cela peut même le mener à délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore tomber dans certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: wa minan nas. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il est des hommes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de manière conditionnelle et hésitante. Si un bien mondain lui arrive, il s'en rassure. Mais s'il est frappé par la moindre épreuve, il se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, perdant ainsi ce bas monde et l'au-delà, telle est la perte manifeste. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que des hommes venaient à Médine se convertir à l'islam. Si leurs femmes et leurs montures accouchaient, ils disaient: ceci est une bonne religion. Et si rien de cela n'arrivait, ils apostasiaient et disaient: ceci est une mauvaise religion. Et ce qui nous montre également la dangerosité de cette caractéristique est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hypocrites par celle-ci, c'est-à-dire par cette caractéristique. Il dit dans le verset 58 de sourate At-Tawbah: Wa minhum man yalmizuka fi s-sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Il en est parmi eux qui te critiquent concernant le partage des aumônes. Si on leur en donne, ils sont satisfaits. Mais si ils n'en perçoivent rien, il se courrouce. Et ceci n'est pas la seule des caractéristiques de celui qui est très attaché à ce bas monde. Parmi elles, on retrouve également le fait d'être plus triste pour des choses mondaines que pour des choses de la religion. Parfois, tu verras que certains vont être très tristes lorsqu'il va leur manquer certaines choses mondaines. Ils vont être dans tous leurs états lorsqu'ils ne vont pas avoir beaucoup d'amis, par exemple, ou encore lorsque quelque chose de ce bas monde va leur échapper. Néanmoins, lorsqu'ils auront des manquements dans la religion, ils ne vont y prêter que très peu d'attention et vont plus se recentrer sur la vie d'ici-bas. Certains ne ressentent rien, subhanallah, lorsqu'ils ratent la prière et prient après son temps. Ceci est même devenu une habitude pour certains. Et ceci est souvent dû au fait que cette personne privilégie ici-bas à l'au-delà, alors que l'au-delà est plus durable. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Cependant, vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, qui est pourtant meilleure et plus durable. Ensuite, l'auteur rahmahullah nous dit: Ibn Umar, qu'Allah les agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules et m'a dit: sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et Ibn Umar, qu'Allah les agrée, disait: lorsque tu attends le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu attends le matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ce hadith est une exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que l'ensemble de la communauté. Elle fait certes revivre le cœur du croyant, car il y a dans celle-ci le fait de ne pas se faire tromper par sa jeunesse, ses amis, son âge et ce qu'il y a autour de nous. Ibn Omar radiallahu anh dit au début de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit cela pour attirer son attention et pour que son cœur soit présent pour cette recommandation très importante. Il convient à l'enseignant d'utiliser ce genre de procédé pour attirer l'attention de l'élève lorsqu'il veut lui enseigner quelque chose de très important. Ensuite, il dit, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. C'est-à-dire, fais preuve d'ascétisme dans cette vie et ne te repose pas sur celle-ci. Car même si Allah subhanahu wa ta'ala te donne une longue vie, tu es voué à la quitter. Alors comment peux-tu être trompé par celle-ci? Et la question qu'on peut se poser ici est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de l'étranger et du voyageur? La réponse est que l'étranger n'est pas apaisé et ne trouve pas la sérénité en terre étrangère. Il a pour seul objectif de retourner dans son pays. Il ne fait pas attention aux gens de ce pays étranger et n'a que faire d'être mal vu. Il n'est pas attaché à ce pays et est prêt à le quitter à n'importe quel moment. Quant aux voyageurs, qui est en voyage vers chez lui, il ne se réjouit pas tant qu'il n'est pas rentré chez lui auprès des siens. Et c'est comme ça que le croyant doit se comporter ici-bas. Ensuite, Ibn Omar conclut en disant, lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant la mort. Car en vérité, lorsque tu te réveilles, tu n'as aucune certitude d'arriver jusqu'au soir. Et lorsque tu te couches, tu n'as aucune certitude que tu arriveras au matin. Alors pourquoi retarder les œuvres? Pourquoi retarder le repentir en disant je me repentirai plus tard, je ferai la prière plus tard, je mettrai le voile plus tard une fois marié, et qui te garantit de vivre jusqu'à demain? Combien de personnes bien portantes sont parties se coucher et ne se sont jamais réveillées? L'imam Shafi'i rahimahullah disait à propos de ce sujet dans l'un de ses poèmes: Wa kam min fata amsa wa asbaha dahika wa akfanuhu fil ghaib tunsajhu wa huwa la yadri faman 'asha alfan wa alfayn fala budda min yawmin yasiru ila al qabri. Combien de jeunes se sont couchés et réveillés souriant, leur linceul dans l'invisible se tissant à leur insu. Celui qui vit 1000, 2000 ans, sans aucun doute, un jour, il ira vers la tombe. Profite donc de ta santé pour multiplier les bonnes œuvres, car lorsque tu seras malade, tu ne pourras plus œuvrer de la sorte. Et si tu n'as pas multiplié les œuvres, tu regretteras et profite de ta vie. Car tant que tu es vivant, tu peux œuvrer. Tandis que lorsque tu meurs, c'est la fin des œuvres. Il n'y aura pas de retour possible. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie: Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non, ce n'est là qu'une vaine parole, et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Prépare-toi pour la mort, ya Abdallah, car elle peut venir à tout moment. Et c'est comme ça que les pieux prédécesseurs vivaient. Il fut dit de Hammad ibn Salama, qu'Allah lui fasse miséricorde: si on lui aurait dit tu vas certes mourir demain, il n'aurait rien pu ajouter à ses œuvres. Allahu Akbar. Mais pour arriver à cela, il faut considérer cette vie comme ayant peu de valeur. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, disait: il convient à la personne qu'elle prenne les biens comme un âne qu'elle enfourche, ou comme des toilettes où elle y fait ses besoins. Ceci est certes l'ascétisme. Aujourd'hui, la plupart des gens prennent les biens comme objectif et sont certes privés d'un grand bien. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui imite un peuple en fait partie. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un comportement blâmable et répréhensible, qui est le fait de ressembler aux mécréants. Et malheureusement, nous vivons dans une époque où ce comportement est en recrudescence. Et celui qui imite les mécréants est certes tombé dans plusieurs méfaits. Le premier méfait est qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a clarifié dans son noble livre l'égarement des mécréants pour que les croyants s'écartent d'eux, se désavouent d'eux et les contredisent, et non pour qu'on leur ressemble et fasse comme eux. Le deuxième méfait est qu'il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans de nombreux ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de contredire les mécréants, tandis que dans d'autres, il nous interdit de leur ressembler. Le troisième méfait est qu'il est tombé dans une contradiction évidente. Car la base est que la personne imite celui qui est au-dessus de lui et non pas en dessous. Ne voyez-vous pas que les petites marques veulent imiter les grandes, que les petits commerçants veulent imiter les commerçants de renommée? Ceci, bien sûr, est en règle générale. Et il n'y a pas de doute que le musulman est au-dessus et sera toujours au-dessus du mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran que les mécréants sont les pires des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Bayyinah: Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah. Il dit, selon la traduction rapprochée, Azzawajal, les mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront pour l'éternité dans le feu de l'enfer. Ils sont les pires êtres de la création. Ils sont les pires êtres de la création. Comment peut-on les imiter après cela? Malheureusement, de nos jours, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, imitent les mécréants dans leur manière de s'habiller, de penser. Parfois même, ils vont donner des noms de mécréants à leurs enfants. Certains vont même les imiter dans leurs adorations. Et tout ceci est dû à plusieurs causes. Et nous allons en mentionner deux pour ne pas être trop long. La première est l'ignorance du tawhid. Car celui qui étudie le tawhid et le met en pratique ne peut pas imiter les mécréants. Car il sait qu'il est obligatoire de se désavouer d'eux et de leur polythéisme. La deuxième cause est le fait de vivre dans leur pays et de se mélanger à eux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ignorent cette cause. Lorsque tu vis en terre de mécréance, tu vis au rythme de la mécréance. Lorsqu'il y a des fêtes chrétiennes, ces jours fériés, lors de ce qu'ils appellent les fêtes de fin d'année, et que tu rentres dans un magasin, il y a toutes ces décorations. Ils appellent clairement à la mécréance et à la perversité, que ce soit à l'école ou encore dans certains manuels scolaires. Dans certaines régions de France, par exemple, certains mécréants prêchent même l'évangile dans les transports en commun. Par conséquent, il est fort probable que le musulman soit impacté par tout cela. De ce fait, certains musulmans vivant en terre de mécréance ne voient aucun mal à fêter Noël ou encore souhaiter joyeux Noël aux chrétiens, ou encore fêter joyeux Noël aux chrétiens, alors qu'ils fêtent la naissance de celui qui considère le Fils d'Allah. Car pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué un enfant. Comment un musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier peut agir de la sorte? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée, dans le verset 88 à 94 de sourate Maryam, ils disent: le miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut qu'à ces mots, les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux, alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le miséricordieux en serviteur. Il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se présentera seul devant lui. Ne voyez-vous pas que certains musulmans, vivant en terre de mécréance, imitent les mécréants dans des choses qui sont contraires à l'islam, telles que ce qu'ils appellent la liberté de penser ou encore la liberté d'expression? Ne voyez-vous pas que certaines de nos sœurs, qu'Allah nous guide et les guide, imitent les mécréances dans leur physique en faisant des choses interdites, telles que mettre de faux ongles, se tatouer et j'en passe? Ne voyez-vous pas que certains de nos frères, qu'Allah nous guide et les guide, n'ont plus de jalousie envers leurs filles et leurs femmes? Ils les laissent sortir habillées n'importe comment, laissent leurs filles sortir avec des garçons. Sous quel prétexte? Sous prétexte qu'il faut s'intégrer et qu'il faut imiter les mécréants. La hawla wa la quwwata illa billah. Et tout ceci est souvent le résultat de résider en terre de mécréance et d'avoir délaissé la hijra. Car celui qui délaisse le suivi de la vérité sera éprouvé par le faux à un moment ou un autre. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, que Abdullah ibn Abbas rapporte: un jour, alors que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit: ô garçon, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahmahullah rahmatan wasi'a. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna une recommandation à Abdullah ibn Abbas et à l'ensemble de sa communauté. Alors que Abdullah ibn Abbas était très jeune, d'où sa parole: ô jeune garçon. Et lorsqu'il lui dit: je vais t'enseigner des paroles, préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire, préserve ses limites et sa législation en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et en rendant véridiques ses informations, c'est-à-dire ce qu'il a mentionné dans son noble livre, qui est le Coran. Et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala te préservera, que ce soit dans des choses mondaines, telles que préserver tes biens, tes enfants, ton corps et autres, et également dans la religion, en te facilitant à faire des bonnes œuvres et à ne pas délaisser l'obligatoire et en t'écartant des péchés. Et lorsque tu tomberas dans le péché, il te facilitera un repentir sincère. Et lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam: préserve Allah, tu le trouveras devant toi, c'est-à-dire qu'il te montrera le bien, il te le rapprochera et te guidera vers celui-ci et t'éloignera de tout mal. Ensuite, il dit: si tu demandes, demande à Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas radiallahu an: si tu demandes, demande à Allah? Car si tu demandes aux créatures, il se peut qu'ils refusent ou qu'ils soient dans l'incapacité de te donner ce que tu lui demandes. Par conséquent, demande plutôt au Créateur, qui lui est capable de toutes choses et qui aime lorsque ses serviteurs se tournent vers lui. Un poète arabe disait: ne demande rien au petit-fils d'Adam, et demande à celui dont les portes ne se cachent pas. Allah est en colère si tu ne lui demandes pas, et le petit-fils d'Adam, lorsque tu lui demandes, s'énerve. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Et si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est capable de toutes choses, au contraire des hommes.